Document E, chapitre 11e, feuillet pour une légende, diamant de Namibie, Leonid Sergeïevitch Kikov, fragment du brouillon. Moscou, séminaire annuel des ambassadeurs. Tous les ans, le Kremlin convoque, pour 3 jours de travail et d'échanges de haute tenue, ses diplomates du monde entier à une grande réunion au building de Smolenskaya, le majestueux édifice gothique qui abritait le ministère des Affaires étrangères. Cette année-là, les participants avaient été conviés à 9 heures pour visiter le bâtiment dont le réaménagement intérieur venait d'être achevé. À 11 heures eut lieu, comme de coutume, l'ouverture des travaux. Ivan Denisovitch Vikachev, ministre des Affaires étrangères, fit son apparition, le visage défait, à la tribune. En contrebas se trouvait son secrétaire d'État, Andrei Odintsov. Il avait en charge les relations avec les autres ministères et avec les pays de l'ancienne URSS. Kozlov, ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris, et ses collègues ignoraient encore, en s'installant dans l'amphithéâtre, qu'allait éclater un scandale de corruption à propos d'un État frère. Le ministre Vikachev avait été maintenu en fonction jusqu'à cette rencontre annuelle. Son sort était déjà réglé en haut lieu. Ses gardes du corps avaient été remplacés la veille par des agents civils du KGB. Il était sous le coup d'un mandat d'amené. C'était Marina Alexeyevna Pavlova, lieutenant-colonel de police, dirigeant le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins de l'administration présidentielle, TRACFIN, qui avait instruit le dossier avec Andrei Odintsov. Elle le soupçonna un temps de l'avoir lui-même orchestré. Des preuves accablantes avaient fini sur le bureau du premier ministre Kozakov, qu'elle avait référé immédiatement au président Popov. Vikachev était coupable de détournement et de blanchiment d'argent. 1 milliard de roubles. Originaire de Carélie, le ministre des Affaires étrangères avait placé à la tête du département de coopération économique le neveu de sa femme, Anatoly Zubov. Vikachev était surnommé par le président Popov l'Africain, non pour des raisons de physionomie ou de caractère, mais à cause de sa frénésie diplomatique pour le continent noir. Popov était convaincu de la nécessité d'occuper cet espace géostratégique intermédiaire. La Chine en avait fait sa priorité et la Russie avait bien des atouts à faire valoir. Les partenariats russo-africains avaient à la fois pour objectif de tailler des croupières aux Occidentaux dans ce qu'ils considéraient être leur arrière-cour, mais surtout de nouer des échanges en matière commerciale et économique. La Russie avait besoin de matières premières exotiques, cacao, café, bananes, caoutchouc, alors que l'Afrique manquait d'infrastructures. L'industrie russe, en plein renouveau, trouvait là un marché pour soutenir sa croissance. Ivan Vikachev avait proposé de cibler certains pays afin de ne pas être en compétition frontale avec la France, l'Angleterre et surtout la Chine, devenue la première partenaire commerciale du continent noir, avec plus de 200 milliards de dollars d'échanges. L'Égypte de Gamal Abdel Nasser et l'Algérie d'Houari Boumédienne avaient continué à entretenir leurs relations privilégiées avec l'URSS. Les printemps arabes et l'islamisation rampante les avaient écartés des partenaires prioritaires. La Guinée était la place forte de l'influence russe. Le géant de l'aluminium, Rusal, finançait d'ambitieux programmes d'échange d'expatriés à Conakry et offrait des bourses d'études à l'élite des étudiants guinéens. Ceux-ci bouclaient leur cursus à l'université Patrice Lumumba, prestigieuse université de Russie de l'amitié des peuples. L'Angola et la Namibie complétaient le portefeuille des intérêts russes en Afrique. L'atout incontestable de la Russie était de n'avoir jamais été une puissance coloniale, mieux, même pas une puissance décolonisatrice. Pendant les révolutions nationales ou les guerres de libération, l'URSS s'était tenue aux côtés des autochtones face aux colons. À son apogée, dans les années 1970, près de 40 000 conseillers soviétiques résidaient en Afrique. Ce fut de la Namibie que vint le scandale qu'allait coûter son Marocain à Vikachev, ministre des Affaires étrangères. La Namibie, dont le sous-sol regorgeait d'uranium, de cuivre, d'argent et de diamants, était un Eldorado. Longtemps maintenu à l'écart du concert international, comme d'ailleurs son protecteur sud-africain aux heures sombres de l'apartheid, la Namibie s'ouvrait peu à peu au monde sous le regard protecteur du grand frère bantou. Anatoly Zubov, neveu de Vikachev, s'était rendu maintes fois à Windhoek, capitale de la Namibie, et surtout dans le grand port Walis Bay. les réserves halieutiques de la côte ouest du pays apparurent vite aux experts russes et namibiens comme un domaine de coopération entre les deux nations. Les Russes disposaient de chalutiers géants, pouvant racler les fonds marins et récupérer dans leurs filets, en une seule journée, autant de poissons que 50 pirogues namibiennes en un an. Pour officiellement mettre un terme au désastre écologique dont les thoniers bourlincheurs espagnols étaient les responsables, Vikatchev signa une convention prévoyant la mise à disposition de chalutiers adaptés aux eaux territoriales namibiennes, la constitution d'équipages mixtes, 60 marins russes et une vingtaine de locaux, le déploiement de 2 patrouilleurs de la marine de guerre russe pour contrôler les allées venues dans l'espace maritime, la construction d'une conserverie ainsi que d'une usine de transformation et de congélation. Le traité de collaboration sur la filière pêche entre Russes et Namibiens établissait la construction du complexe de Narosriba. Il était prévu une fabrique de transformation des espèces marines locales ainsi qu'une usine de 10 000 m² de surface sortant annuellement 9000 tonnes de beignets de calamar, de filets d'anchois et de merlu pané. Cette unité de production devait comporter 2 lignes de fabrication de surimi, l'une à base de poisson, l'autre de pot, c'est-à-dire de calamar. Il était envisagé que la capacité de surgélation et d'acheminement sur des cargos frigorifiques atteigne 100 tonnes par jour. Le complexe de Narosriba, une fois achevé, serait climatisé. Il réceptionnerait 250 tonnes de matières premières par jour et emploierait 800 salariés. Il deviendrait l'un des leaders mondiaux du surimi, tant prisé en Europe. Le dérapage ne vint pas de la transaction industrielle, comme ce fut le cas avec l'usine d'huile de tournesol fantôme qui coûte à son portefeuille au ministre de l'Agriculture, mais du volet militaire du contrat. Le responsable du département de coopération économique, Anatoly Zubov, avait exigé que pour les 15 années de validité de l'accord durant lesquelles la marine russe fournirait des navires de guerre, la Namibie devrait payer en une fois et en diamant 1 milliard de roubles. Dans le même temps, son oncle obtenait de l'amirauté que soit mis gracieusement à disposition pour l'application du contrat namibien les 2 patrouilleurs de la marine de guerre destinés à contrôler les allées venues dans l'espace maritime tel que le stipulait la convention. Les diamants finirent sertis et vendus chez Béchambès, un orfèvre de la place des Vosges. Zubov ignorait que peu de diamantaires traitaient les pierres africaines. Il craignait d'être poursuivi pour recel de bijoux issus des guerres du Sierra Leone ou du Congo. La Namibie n'échappait pas à cet interdit, bien que sujette à aucun conflit. Ayant eu vent de ce scandale par des amis de sa femme, fille d'un grand diamantaire d'Anvers, Aaron Stavros Golias, le mécène gentilhomme informa le Kremlin où il avait conservé des contacts remontant à la présidence de Boris Lomakine. Une fois le KGB mis au courant de cette affaire de corruption, l'enquête interne fut confiée à Marina Pavlova, la future directrice de la cellule antiterroriste du Kremlin. On la chargea de trouver le ou les coupables et de les livrer. L'arbitrage final revint au président Popov. Ce fut Zubov que les instances reconnurent comme seul coupable. Il fallait éviter à tout prix qu'une des plus importantes personnalités du gouvernement attirât sur elle le discrédit. La veille de l'ouverture du séminaire, Anatoly Zubov fut incarcéré au Matroskaya Tichina en attente d'un procès qui aurait lieu dans la plus grande discrétion. Le départ de ce responsable du département de coopération économique fut présenté comme lié à de graves problèmes de santé. Poursuivi pour vol par escroquerie à grande échelle, le Carélien était bon pour un long séjour dans le tristement célèbre pénitencier G1410, établi à Kranoskamensk en Sibérie, aux confins des frontières mongoles et chinoises. Pour tout régime russe, il était important que le coupable ou le lampiste reconnaisse sa faute. Cela légitimait l'enquête, le procès et le verdict afin de ne pas prêter le flanc aux campagnes mondialistes prontes à dénoncer les victimes de Popov. Lorsque s'acheva cette première séance mémorable, Koslov et ses collègues n'ignoraient plus rien du scandale de corruption, né des relations que la Russie entretenait avec la Namibie, un état frère. En revanche, ils ne savaient pas encore que Vikatchev, qui avait organisé et animé ce séminaire annuel des ambassadeurs, ne serait plus ministre à l'issue de ces 3 jours de débat. Voulant que son ministre assure jusqu'au bout sa fonction, le président Popov avait tenu à rencontrer Vikatchev en tête-à-tête juste avant que ne débute la première séance de travail. Plus tard, Alexandre Koslov apprit ce qui s'était dit lors de cette entrevue. « Au nom de notre longue amitié et des services que tu as rendus au pays, dit le président, Je t'informe que nous allons évoquer ce matin en ouverture l'affaire des diamants de Namibie dans laquelle est impliqué ton neveu par alliance et un haut dignitaire du régime, dont nous tairons le nom pour le moment, soupçonné de fraude fiscale, détournement de fonds et intelligence avec une puissance étrangère. Pour ton neveu, les dés sont jetés. Il a été emprisonné hier soir à Matroskaya Tichina. Il sera jugé. Tu ne seras pas inquiété. Nous t'accordons le bénéfice du doute. Tu n'auras pas à remettre ta démission. Tu seras nommé ambassadeur à Canberra. Tu quitteras Moscou dans 3 jours, comme tous les autres ambassadeurs venus à ce séminaire annuel. Surpris par l'annonce, le ministre disgracié bégaya. Comment l'as-tu appris? Pourquoi l'Australie? Le président répondit uniquement à la deuxième question. C'est une destination prestigieuse. C'est aussi une île qui a été peuplée initialement par des bagnards et des prostituées. Ce sera ta façon d'être solidaire de ton neveu, Anatoly Zoubov, cher oncle Ivan Denisovitch Vikachev. Le ministre des Affaires étrangères baissa les yeux et lâcha. Merci, Vladimir Vladimirovitch Popov. Avec une grandeur d'âme qui n'abusa pas Vikachev, le président ajouta. Ne me remercie pas ainsi, vieux camarade. Je vais finir par croire que tu es vraiment le coupable. Continue à servir au mieux les intérêts de la Russie, là où tu seras. Si je peux me permettre un dernier conseil, change de femme. Ta colombe n'a pas les plumes immaculées. Elle croit s'être mise à l'abri du besoin. Mais de cela aussi, nous nous occupons. Léonide Sergueïevitch Kekov feuillait pour une légende « Affaire des diamants de Namibie ».